Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai Jugo wa. Tout d'un coup, je me demande qui est cette personne nommée Nakata. Je suis fatiguée, le vent souffle très fort. J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes à surmonter. Je me dis que quelque part, à mon insu, il s'est produit une anomalie dans la course du temps. Je ne sais pas qui lui a donné ce nom, mais puisqu'on l'appelle la pierre de l'entrée, elle doit bien donner accès à quelque chose, non ? Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Quinzième épisode. Il n'y a pas d'issue. Tu n'as pas la moindre chance d'en trouver une, car tu t'es égaré dans le labyrinthe du temps. Et le plus grave, c'est que tu n'as aucun désir d'en sortir. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Oui. Un policier est venu à la bibliothèque et a posé des questions sur toi, Kafka Tamura. Comment est-il arrivé jusqu'ici ? Tu as dû utiliser un téléphone portable. Celui de ton père. Je m'en suis servi qu'une fois. Le jour où tu t'es réveillé, ensanglanté, dans le bois, derrière le sanctuaire. Les enquêteurs ont remonté tous les appels enregistrés depuis ce téléphone. Ça leur a permis de découvrir que tu étais venu à Takamatsu. La police locale a vérifié tous les hôtels. Ils ont trouvé la trace d'un Kafka Tamura correspondant à ta description. Et qui a séjourné dans un business hôtel de la ville jusqu'au 28 mai. C'est le jour où ton père a été tué. Le gérant de l'hôtel se rappelait que tu avais parlé de notre bibliothèque. Voilà comment la police a abouti ici. J'ai menti, évidemment. Je leur ai dit qu'on ne t'avait pas revu ici après le 28. Je suis soupçonné de meurtre ? Non ! La police sait que ce n'est pas toi le coupable. Mais ils comptent sur ton témoignage pour parvenir à élucider l'affaire. Tu es leur seule piste. Ton père était un homme célèbre. La télé, les magazines ont fait beaucoup de bruit autour de son assassinat. La police ne peut pas attendre en se tournant les pouces. Enfin, il vaut tout de même mieux que tu ne te montres pas trop pour le moment. Ils ont des photos de toi. Des copies de ta carte de collégien. L'inspecteur m'a dit que tu étais un gamin à problème. Il a parlé d'incidents violents entre toi et tes camarades de classe. Et il a dit que tu avais été exclu 3 fois du collège. J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes à surmonter. Pas mal de problèmes à surmonter ? Pas vous, Oshima-san ? Non. Moi, je n'ai qu'un seul problème à surmonter. Vivre chaque jour dans ce corps... cette enveloppe défectueuse. Et vous avez jamais pensé à sortir de cette enveloppe ? Tu veux dire quitter mon corps ? Cela peut sembler bizarre, pourtant, on avait l'impression que le véritable Nakata était parti en voyage, ne laissant que son corps, telle une enveloppe provisoirement vide. Toi, c'est ce que tu voudrais faire ? À la vérité, Oshima-san, j'aimerais rien tant que m'en échapper, comme je me suis enfui de la maison. Qu'est-ce qu'on va faire de cette pierre maintenant, papy ? Oui, qu'est-ce qu'on va faire de cette pierre ? Arrête ton char. Tu voulais trouver cette pierre, j'ai passé la nuit à la chercher, alors maintenant, me demande pas ce que tu dois en faire. Oui, vous avez parfaitement raison, monsieur Oshino. Pourtant, Nakata ne sait pas encore très bien à quoi peut servir cette pierre. C'est fâcheux. Très fâcheux, en effet. Et si tu réfléchis tranquillement, Tu crois que tu arriveras à comprendre à quoi elle sert? Oui, je crois. Mais il faut plus de temps à Nakata qu'aux gens normaux pour faire les choses. Écoute, papy. Oui, monsieur Oshino. Je ne sais pas qui lui a donné ce nom, mais puisqu'on l'appelle la pierre de l'entrée, elle doit bien donner accès à quelque chose, non? C'est certainement le cas. Mais tu ne sais pas de quelle entrée il s'agit. En effet, Nakata ne le sait pas encore. Il sait parler avec les chats, mais il n'a encore jamais parlé avec une pierre. Tout de même, comme je l'ai trouvée dans un sanctuaire, je me demande si elle peut pas nous attirer une malédiction ou quelque chose dans le genre. Le colonel Sanders a dit qu'il n'y avait aucune malédiction à craindre, mais fais pas complètement confiance au bonhomme. Le colonel Sanders? Oui, celui qu'on voit sur les panneaux publicitaires du Kentucky Fried Chicken. Mais j'ai pas de personnalité, pas de sentiment non plus. Je m'occupe seulement de mener à bien les missions que l'on m'a confiées. Nakata est désolé, mais il ne connaît pas ce monsieur. Bref, pour abréger, ce type m'a aidé à trouver la pierre. Et je l'ai rapporté jusqu'ici, au his, hein. C'était pas du gâteau. Je ne cherche pas à me faire plaindre, mais pendant que toi tu roupillais tranquillement, moi j'en ai bavé cette nuit, je te le dis. Alors maintenant, je voudrais bien te refiler cette fichue pierre et te laisser prendre le relais. Entendu. Nakata prend le relais maintenant. Bien, ça va pas traîner pour une fois. Monsieur Oshino. Ouais. Il va y avoir beaucoup de tonnerre aujourd'hui. Attendons le tonnerre. Tu veux dire que le tonnerre va nous aider avec la pierre? Nakata ne sait pas comment ça va se passer en détail, mais il lui semble que oui. Le tonnerre va nous être très utile. Le tonnerre maintenant. Enfin bon, pourquoi pas. Intéressant. Bonjour, mademoiselle Saichi. Voici votre café. Merci. Vous avez l'air fatigué. Oui. Ça me vieillit, non? Pas du tout. Vous êtes toujours très jolie. Assieds-toi. Kafka, que vois-tu au dehors? Des arbres, le ciel, des nuages. Un paysage tout à fait ordinaire. Oui. Mais si tu te disais que tu ne le verras plus demain, ce paysage deviendrait tout d'un coup précieux et particulier à tes yeux, non? Sans doute, oui. Il t'est déjà arrivé de penser à ce genre de choses? Oui. Quand penses-tu à ces choses? Quand je suis amoureux. Et tu es amoureux en ce moment? Oui, je voudrais la prendre dans mes bras. Je voudrais faire l'amour avec elle. Encore et encore. Autrement dit, le visage, la silhouette de celle que tu aimes te paraissent précieux et particuliers chaque fois que tu les vois. Oui. Et j'ai peur de perdre tout cela. Je voudrais que chaque nuit, elle m'aime en souvenir. Mademoiselle Saichi, je voudrais vous poser une question. Une question personnelle? Oui. Et indiscrète aussi, peut-être. Mais c'est une question importante pour toi? Très importante. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous avez des enfants, Mademoiselle Saichi? Pourquoi veux-tu savoir ça? À cause d'un problème personnel. Je vous ai pas posé cette question au hasard, vous savez. Je suis désolée, Kafka, mais c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre simplement par oui ou par non. Pas maintenant, en tout cas. Je suis fatiguée. Le vent souffle très fort. Excusez-moi. J'aurais pas dû vous le demander. Ça ne fait rien, ce n'est pas ta faute. Merci pour le café. Tu le prépares très bien, tu sais. Je ne sais plus si je suis amoureux de Mademoiselle Saiki, l'adolescente de 15 ans, ou de Mademoiselle Saiki, la femme mûre de plus de 50 ans. La frontière qui les séparait se brouille, s'efface. Tu es en pleine confusion, tu cherches au fond de toi un sentiment auquel te raccrocher. Je sais maintenant, elle a raison. Son visage et sa silhouette me sont chaque jour plus précieux. Son visage et sa silhouette te sont chaque jour plus précieux. Monsieur Oshino. Ouais. Vous voulez bien rester un moment près de moi? Pas de problème. J'ai pas l'intention d'aller où que ce soit avec ce qui tombe de toute façon. Je crois qu'il va se passer quelque chose de bizarre. Si tu veux mon avis, ça fait déjà un moment qu'il se passe des choses bizarres. Monsieur Oshino. Quoi encore? Tout d'un coup, je me demande... Qui est cette personne nommée Nakata? C'est une question difficile, papy. Je ne sais pas très bien moi-même qui est la personne nommée Oshino, alors ça m'est difficile de dire ce qu'il en est pour les autres. À mon avis, Nakata est un type honnête. Un peu à côté de la plaque, mais on peut lui faire confiance. Sinon, je ne serais pas venu jusque dans le Shikoku avec lui, pas vrai? Je ne suis pas très malin, mais assez pour me rendre compte à qui j'ai affaire. Monsieur Oshino. Ouais. Nakata n'est pas seulement idiot, il est vide. Nakata est comme une bibliothèque sans livres. Autrefois, je n'étais pas comme ça. Il y avait des livres en moi. Oui, autrefois, Nakata était normal. Il était comme tout le monde. À un moment... Il s'est passé quelque chose et Nakata est devenu une sorte de boîte vidée de son contenu. Cela peut sembler bizarre, pourtant, on avait l'impression que le véritable Nakata était parti en voyage, ne laissant que son corps, telle une enveloppe provisoirement vide. Mais papy, si on va par là, on est tous plus ou moins vides. Non ? On bouffe, on chie, on fait un boulot minable pour un salaire de misère. On tire un coup de temps en temps. Et en dehors de ça, hein? Enfin, je dis ça, mais il se passe quand même des choses intéressantes dans la vie. Comme en ce moment. Je comprends pas exactement de quoi il retourne, mais... Monsieur Oshino. Ouais. Tout de même, j'aimerais bien redevenir le Nakata normal. Ne serait-ce qu'un tout petit moment. Un Nakata qui réfléchit par lui-même... et dont la vie a un sens. Si c'est ce que tu souhaites, fais-le. Quoique je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est un Nakata normal. Nakata non plus n'en a pas la moindre idée. J'espère que ça marchera. Je prie pour que tu redeviennes un Nakata normal. Mais Nakata a beaucoup de choses à régler avant de redevenir normal. Quoi, par exemple ? Par exemple, Johnny Walken. Il faut me tuer sans hésiter, avec peur et avec haine. Johnny Walken. Je crois bien que tu as déjà prononcé ce nom. C'est celui de la marque de whisky. Oui. D'abord, tu as peur de moi. Ensuite, tu me détestes. Et finalement, tu m'assassines. Une fois que j'aurai réglé ce problème, je pourrai peut-être, si tout va bien, redevenir le Nakata normal. Je ne comprends pas très bien ce que tu racontes, mais en tout cas, tu as besoin de cette pierre pour résoudre ton problème, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Nakata doit récupérer la moitié manquante de son ombre. de la jeune noyée. Cherche les pierres de l'entrée. Le vent s'arrobe plus nuage. Elle voit Kafka sur le rivage. Elle est assise sur le fauteuil, devant le bureau, dans sa position habituelle, et regarde le tableau au mur. Et moi, comme toujours, allongé dans le noir, les yeux grands ouverts, je contemple sa silhouette en retenant mon souffle. Au bout d'un moment, cependant, tu sens dans l'atmosphère quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui trouble imperceptiblement l'harmonie de ce petit monde et le prive de sa perfection. En quoi est-ce différent des autres nuits ? Cette silhouette n'est pas celle de la jeune fille. Elle lui ressemble, mais il ne s'agit pas d'elle. Sa coiffure est différente, ses vêtements aussi. Sa présence même est différente. Tu le sens, tu le sais. Je le sais. Ce n'est pas elle. Il s'agit de quelqu'un d'autre. Il se passe quelque chose. Quelque chose d'important. La silhouette sur la chaise se met en mouvement. Elle pivote lentement, comme un grand vaisseau changeant de cap. Elle se tourne vers toi ? Elle se tourne vers moi. Je comprends que c'est Mademoiselle Saiki. C'est la vraie Mademoiselle Saiki qui se trouve là. Ou peut-être devrais-je dire, celle qui appartient au présent. Elle te regarde un moment, avec la même concentration paisible que lorsqu'elle contemplait le tableau Kafka au bord de la mer, et toi, tu penses à l'axe du temps. Je me dis que quelque part, à mon insu, il s'est produit une anomalie dans la course du temps. C'est pour cela que rêve et réalité se mélangent. Au bout d'un moment, Mademoiselle Saiki se lève et se dirige lentement vers toi. Elle s'assied en silence au bord du lit et reste immobile. Mais je sens la densité, le poids de son corps près du mien. Elle tend la main, te caresse la tête, ses doigts se promènent entre tes cheveux courts. Cette main, ses doigts sont bien réels. Et si c'était ma mère ? Puis, elle se lève et commence à se déshabiller. Ce serait bien qu'elle soit ma mère. Doucement, elle déboutonne son chemisier, enlève sa jupe, puis ses sous-vêtements. Et puis, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être ma mère. Une fois nue, elle se glisse près de toi dans le lit étroit et t'étreint de ses bras blancs. Tu sens son souffle chaud dans ton cou. Peut-être te prend-elle pour son ami mort il y a si longtemps. Elle est endormie, je le sais. Elle a les yeux ouverts, mais elle dort. Je dois la réveiller. Elle me prend pour un autre. Tu voudrais être lui. Il faut que je lui dise qu'elle fait une grossière erreur. Ce n'est pas un rêve. On est dans le monde de la réalité ici. Mais tu n'as pas la force d'arrêter le cours des événements. Tu te laisses absorber dans cette distorsion du temps. Tu t'es égaré dans le labyrinthe du temps. Le plus grave, c'est que tu n'as aucun désir d'en sortir. C'est bien cela, n'est-ce pas ? C'est bien cela, n'est-ce pas ? Où commence ta responsabilité ? Tout en dissipant le brouillard blanc qui voile ta conscience, tu t'efforces de te maintenir dans la réalité. Tu comprends que tu es dans une situation délicate et dangereuse, mais tu es incapable de comprendre le mécanisme de la prédiction. Tu es entraîné malgré toi dans son accomplissement. Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère. Peu à peu, tu t'enfonces dans un tiède marécage. Le monde entier est devenu chaud, humide, indistinct. Tu fermes les yeux pour contempler ton rêve. Un jour, coucherai avec ma mère. Tu as perdu toute conscience du temps. La marée monte, la lune se lève. Et pendant tout ce temps, Mademoiselle Seiki dort. Elle dort, les yeux grands ouverts. Elle est dans un autre monde. Un monde où je pourrais rester éternellement celle que j'étais alors. Un autre monde. Un monde où rien ne pourrait m'atteindre. Un monde où rien ne pourrait m'atteindre. Et où le temps serait immobile. Ton sperme est absorbé dans un autre monde. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Eman. 15e épisode. Avec Igor Manjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Jonathan Cohen, Oshino, Juliette Plumcock-Mesh, Oshima, Anne Alvaro, Mademoiselle Saiki. Et les voix de Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Oja Lorca, Geoffrey Carré, René Farabet. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Chant, Oja Lorca. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.